qui m'ont prêté des sous. Alors c'était dans le sang, j'ai tout fait seul. N'écoutez mes sens, mais tes sous. Je donne mon cœur aveuglément. Et quand je me montre pas, y'a personne qui l'a vu. Je sais ce que c'est être déçu vraiment. Je donnais mon nom, y'a personne qui l'a vu. Ouais, ils veulent pas ce que tu leur donnes. Ils veulent ce que tu as. Prêt à dire où t'es situé. Ils sont prêts à te faire tuer. D'où je viens, ça se fait la guerre. Un kalach, elle fait des étincelles. Je veux que du bien aux gens. Tu me veux du mal, tu t'éteins seul. Je fais mon sport pour oublier. Pour me sentir bien dans ma tête. Et autour de moi, ouais, j'ai tout trié. Je me suis encore mis dans ma planète. J'aille plus voir ma mère. Je suis sûr, à chaque fois je m'en veux. Faut que j'appelle un peu plus mon père. Ça le rendra plus heureux. J'ai mes soucis, mais on s'en fout, c'est la routine. Mais le cœur il s'en fout. Tu pourquoi tu sors pas le féfé. Si tout le monde regarde, ça fait trop chauffer. On te connaît, pourquoi tu fais le foufou. T'as pas d'armes, t'as pas de lové. Merci, je trouve malheureuse. Fini tu opères ou tu as la série. Les tarons, elles sont apeurées. Je retrouve toute sa légérie. On était tous un chien dans le quartier. Y'a personne qui m'a prêté. Cœur blanc.